franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Philippe, je dis cher. Je réponds Bourges. Bourges est une ville française. Bonjour Caroline la Bourgeoise. Bonjour docteur. Philippe. Bonjour Margaret. Et je suis une berruyère, pas une bourgeoise. Berruyère, oh là là, ça évoque un petit peu vieux fromage trop fait, oublié dans une converse. Nike, Adidas, Puma. Porté pieds nus tout l'été par un adolescent prépubère débordant de phéromones, non? Bah, je sais pas, c'est pas très valorisant comme image. Oh, tout de suite, on rigole, madame. Faut rigoler, vous savez. Oui, je sais, mais enfin là... Oh, voilà, non, non, donc, très sérieusement, puisqu'on peut pas... Hein. Anima sana ou corpore sano? Corpore sano. Alors, je vous écoute sans broncher et très sérieusement. Oh là. Attention. Voilà, j'ai 45 ans et je suis maman de 3 filles. Petite équipe de rugby. Un peu, oui. Ils ont quel âge? De 12 ans à 19 ans. D'accord, ça va à la maison, ils ne sont pas trop turbulents? Là, ça va, mais il y a encore quelques années, oui, c'était vraiment... Écoutez, madame, restez un petit peu concentrée sur votre problème, si vous voulez bien. Ben, je répondais à votre question. Oui, oui, oui, non mais madame. Quel est votre problème? Allons-y. Bon voilà, alors en fait, depuis quelques années maintenant... Et pardon, Caroline, vous n'avez pas tenté avec monsieur d'avoir une petite fille pour adoucir l'ambiance familiale? Oui, mais ça s'est pas fait, on y a pensé un moment et... Oui, oui, mais on va pas y arriver, alors parlez-nous plutôt de ce qui vous amène, allez. Caroline? Oui. Alors ça fait plusieurs années que j'y pensais et... On en a parlé avec mon mari qui me dit que je dois faire comme je veux parce que ça concerne une partie très intime de mon anatomie. Ouais. C'est à dire? Eh bien, j'ai subi une nymphoplastie. D'accord. Hein? Oui. Oui, bien, bien sûr. Et ça a pas suffi la cortisone, non? Comment ça? Pour une réduction des lèvres? Ah oui, ben non. C'est de la chirurgie, là. Oui, je vous ai dit nymphoplastie. Oui, justement, c'était un peu équivoque, du coup. Et ça, c'est rare hein, de se faire réduire les lèvres. C'est plutôt le contraire, en général. Ou alors, vous avez un physique négroïde, peut-être? Non, non, une réduction des petites lèvres sur mon vagin. Allô? Oui. Allô? Oui. Écoutez, si on peut juste éviter à cette heure de déjeuner en famille des mots qui choquent... Quels mots? Parce que j'ai dit vagin? Bon madame, écoutez, hein, c'est pas de le répéter qui va arranger les choses, soyez un peu fut-fut. Alors quel est le souci, puisque ça c'est fait? J'ai l'impression d'avoir perdu un peu de sensibilité, c'est un peu... Enfin ça fait 3 mois, hein, mais ça fait un peu comme du carton. Oh là là, vous appelez pour ça? Oui, je voudrais savoir si la sensibilité va revenir. Enfin, madame, excusez-moi, mais qui est-ce que ça intéresse? Une cougarde qui cherche à plaire à des jeunes hommes? Ou une prostituée qui n'a pas ses 40 annuités? J'ai 45 ans et j'ai envie d'avoir une vie de femme épanouie et un sexe qui plaise à mon mari. Oui, alors ça, c'est vraiment la race humaine. Hein. Il faut que ça plaise. Oh là là, est-ce que c'est joli? Bon, écoutez, la vraie question, madame, c'est plutôt, oh là là, est-ce que ça marche bien? Alors, vous avez 3 enfants, alors quel est l'intérêt aujourd'hui de tout ça? D'ailleurs, si le sexe de la femme devient de moins en moins appétissant avec le temps, c'est qu'elle devient de moins en moins fertile, et il n'a plus besoin d'être attirant. Alors que l'homme, qui lui est toujours fertile, eh bien son sexe a plus longtemps en belle allure, je dirais. C'est horrible, hein. Les types avec les testicules qui pendent. Hein. Oui, c'est vrai, d'aucuns d'ailleurs ont recours à un mini-lift du scrotum qui se révèle être très efficace. Ah d'accord, donc les femmes non, mais les hommes ça va. Oui, pour les raisons qu'on vient d'invoquer. La nature est bien faite, vous savez. C'est bizarre, quand je dis vagin, vous respectez, quand je dis testicule, vous dites rien. Ben oui, mais c'est parce que ce n'est pas la même intimité, un homme et une femme. Un homme, c'est un membre, alors qu'une femme, C'est un orifice, c'est à l'intérieur, c'est plus intime. C'est pas pour ça que c'est plus sale et que ça en fait un gros mot. Ben disons qu'un trou d'égout est plus rapidement sale qu'une bande kilométrique. Un trou d'égout ? Mais c'est horrible. Non, c'est une image, madame. Ah voilà, voilà, en fait je sais, ben, c'est comme les chiens. Une femme, ça fait pipi accroupi comme une chienne, alors qu'un homme, ben, ça fait pipi debout, pas comme un chien. Comme un homme, quoi. C'est vrai. Une femme qui fait pipi, c'est un peu embarrassant. Hein. D'ailleurs, elle n'aime pas qu'on les regarde. Alors qu'un homme, bah, il s'en moque. C'est même rigolo. Il peut s'amuser à écrire son nom dans la neige, par exemple. Oh oui, ça, c'est rigolo. Alors qu'une femme, c'est quand même un peu humiliant d'être accroupie comme ça. En plus, elle a toujours peur que le pipi coule par terre sur ses pattes arrière. C'est très misogyne, ce que vous dites. Mais non, misogyne, c'est quand on n'aime pas les femmes. Et ça, je confirme que Philippe aime les femmes. Ah oui, ça c'est vrai. Une femme, c'est un peu comme une belle voiture, hein, tout en courbe, à la fois puissante et confortable. Mmh, c'est beau. C'est nul, hein. Ah non, c'est beau. Mais c'est Marga, tout le monde n'est pas sensible à la poésie, surtout quand on ne s'intéresse qu'à son vagin. Bon, d'accord. En tout cas, Caroline, sachez qu'il y a loin de la coupe aux lèvres, comme nous le rappelle Olugel. Et merci. Au revoir, Philippe. Au revoir, Yann Chouquet. Et puis, au revoir, Marga. Tiens, il n'y a pas de raison. Oui, mais alors, au revoir, Philippe. Alors, il n'y a pas de raison non plus. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en baladodiffusion sur franceinter.fr.